Quand je publie un post, je veux des rafales. De likes, oui, c'est de ça que je raffole. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui me rend folle. Plein de belles photos, mais le soir, je rentre seul. À travers l'écran, ma vie paraît magnifique. J'ai mis le filtre océan Pacifique. Dans ma tête, je me dis ne va pas si vite. J'ai un mental en guerre, mais un cœur de pacifiste. J'aimerais avoir les mêmes cheveux que ma pote métisse. Son même ventre, mais pour ça, il faut que je maigrisse. Elle vient juste d'arriver, qu'elle refait sa valise. Avoir des milliers d'abonnés, partir à Venise. Franchement, ça fait rêver quand je vois tout ce qu'elle vit. Même si tout va mal, faut dire tout va bien sur le selfie. À chaque mauvais commentaire, j'ai un mauvais commentaire, j'en perds ma vision. Pourtant, au fond de mon cœur, je sais que tout ça n'est qu'illusion. La vie vaut bien plus que ça, ouais. On vaut bien plus que ça, ouais. Tous des reines et tous des rois, faisons les bons choix. À augmenter nos chiffres, ce n'est jamais terminé, ça devient nocif, la raison je la connais, c'est addictif, à force d'être dépendant, j'en deviens dépressif, cette comparaison derrière l'écran, je la mange, oui, avant c'était la génération, je m'en dis, quand la fiction laissait place à la magie, aujourd'hui c'est la génération emoji, je ne prends plus le temps de lire depuis longtemps, et même d'écrire des mots entièrement, tu veux que je pose mon tel quand tu me parles maman, retourner au monde réel, là, franchement, non, non, j'ai besoin de poster mais je me demandais synthique. Tous ces corps retouchés par la chirurgie esthétique. C'est que du fake entre réalité et fictif qui vient affecter mon monde affectif. La vie vaut bien plus que ça, ouais. On vaut bien plus que ça, ouais. Tous des reines et tous des rois, faisons les bons choix. Peut-être que la planète veut connaître mon plat favori. Allez, je vais bien trouver deux, trois conneries. Allez, faut que je me dépêche, c'est bientôt la sonnerie. Toujours du contenu, toujours alimenté. Allez, mettez-vous nu, allez cimenter. Où se trouve la limite? En vrai, je ne sais plus. Je crois que je vais me protéger, j'ai laissé trop de pluie.